السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نخوض اليوم حديثين جديدين، وهما الحديث 44 والخامس 45، كسون 44 حديث يكون ثقيم حديث. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم il a dit que les œuvres du fils de Adam s'interrompent après la mort, à part trois, qui sont une aumône courante, un savoir profitable et un enfant pieux qui invoque pour lui, pour le serviteur. Naam. يقول دار الدنيا جعل الله دار الدنيا جعل الله دار عمل يتزود منها العباد من الخير أو الشر للدار الأخرى وهي دار الجزاء. Donc cette demeure du bas monde, c'est une demeure qu'Allah Azza wa Jal a établie pour les actes, pour œuvrer. C'est là que le serviteur doit justement faire le plus de bien possible. D'accord ? Et c'est dans cette demeure-là qu'il fera ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de mal. Ce qu'il sera profitable, ce qu'il sera nuisible pour l'autre demeure qui est celle de l'au-delà. Qui elle sera la demeure de l'attribution. Wa sendamu al-mufarritun idha intaqalu min hadhihi ad-dar lam yatazawwadu minha li-ukhratihim li-akhiratihim ma yus'iduhum. Et ceux qui ont été, on va dire, négligents en ce bas monde finiront par regretter lorsqu'ils verront qu'ils auront délaissé des choses qui auraient pu être une source de joie pour eux dans l'au-delà. وحين يزين لم يمكن الاستدراك ولا يتمكن العبد أن يزيد في حسناته مثقال ذرة ولا أن يمحو من سيئاته كذلك. Et de là, à ce moment-là, il ne sera plus possible justement au serviteur de pouvoir rajouter des hassanats, ne serait-ce qu'un atome. Une fois qu'il sera mort, c'est fini. Même s'il y aura encore des ordres qui lui seront donnés, il n'y aura plus de taklif, c'est-à-dire il n'y aura plus de hassanats à avoir, ni de sayyat à avoir. Et ce n'est peut-être les gens de la fatra, qui sont les gens qui n'ont pas reçu le message, eux qui seront éprouvés. Allah Azza wa Jalla leur donnera un ordre, s'ils obéissent, ils seront comptés parmi les croyants, s'ils obéissent, ils seront comptés parmi les gens du feu. En dehors de cela, dans l'au-delà, il n'y aura plus de hassanats à faire. Non. Et non plus, ne sera pas en mesure d'effacer des choses comme on pourrait le faire en ce dunya. Des sayyats qu'on aura faites, on peut les effacer par d'autres actes, par des expiations. Une fois la mort arrivée, c'est fini, ça, on ne peut plus. Donc toutes ces œuvres cesseront et n'auront plus d'influence, si ce n'est ces trois-là cités dans le hadith. Non. Al-awwalu as-sadaqa jariya. Al-mustamir nafuha. Donc la première, c'est l'aumône courante, celle dont le profit continue, même après sa mort. وَذَلِكَ كَالْوَقْفُ لِلْمُقَارَاتِ لِلْعَقَارَاتِ أَلَا تِنْتَفِعْ بِمِغْلِهَا وَمَغْلِهَا فَنْ أَوَ الْأَوَانِيَ الَّتِي يُنْتَفَعُ بِاسْتِعْمَالِهَا أَوَ الْحَيَوَانَاتِ أَلَا تِنْتَفَعْ بِرُكُوبِهَا وَمَنَافِعِهَا أَوَ الْكُتُبُ وَالْمُصَاحِفُ الَّتِي يُنْتَفَعْ بِاسْتِعْمَالِهَا وَالْإِنْتِفَاعِ بِهَا أو المساجد والمدارس والبيوت وغيرها التي ينتفع بها. Donc par exemple, comme les waqf, c'est les choses que les gens ont laissées en sadaqa, qui ne peuvent être achetées ou possédées, mais qui sont mises à la disposition des serviteurs. Par exemple, des waqf en immobilier, des gens qui laissent par exemple des lieux, des maisons pour abriter des gens, ou ainsi de suite. D'accord ? Ces maisons-là ne sont pas louables ni vendables, mais ils disent par exemple, quelqu'un il meurt et dit je laisse cette maison-là pour les voyageurs lorsqu'ils viennent, tant qu'ils ont le besoin, ils y vivent, et quand ils repartent, ils la laissent. D'accord ? Et que d'autres gens derrière viennent et la prennent. Ainsi de suite. Ou alors des récipients dont les gens peuvent se servir après la mort. Ou alors des animaux que l'on peut chevaucher. Par exemple, quelqu'un meurt, il a une écurie ou il a des ânes ou je ne sais quoi. Et il dit, si je meurs, cela je le laisse au service de l'islam. D'accord ? Naam. Ou des livres, ou des masahif. Toutes ces choses-là qui servent aux gens après leur mort. Ou les masajit également, masjid, peut-être un waqf. Ou des écoles, ou des maisons et autres. Tout ce que la personne laisse, qui n'est plus une propriété privée de quelqu'un, mais qui laisse en wax, c'est-à-dire en aumône courante que les gens utilisent à bon escient dans, selon les conditions qu'il aura émises. Ça s'appelle un waqf. D'accord ? فكلها أجرها جار على العبد ما دام ينتفع بشيء منها. Donc c'est toutes ces choses-là délaissées, le serviteur, il en est rétribué. Donc celles-ci sont profitables. وهذا من أعظم فضائل الوقف وخصوصا الأوقاف التي فيها الإعانة على الأمور الدينية كالعلم والجهاد والتفرغ للعبادة ونحو ذلك. Ça c'est parmi les plus grands mérites justement du waqf, particulièrement les waqf qui sont au service des affaires religieuses. Comme par exemple les gens qui sont les choses qui sont liées au ilm, à la diffusion du ilm, au djihad, ou alors qui permettent de pouvoir adorer Allah Azawajal, faire des actes d'adoration et autres. ولهذا اشترط العلماء في الوقف أن يكون مصرفه على جهاد بر وقربة. C'est pour cela que les ulama ils ont dit que celui qui laisse un waqf, ce waqf doit être laissé dans un but de rapprochement d'Allah Azawajal et de piété. On ne laisse pas un waqf pour une chose mondaine ou neutre. C'est forcément pour une chose qui est liée à l'adoration. D'accord ? À l'adoration. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, il dit une sadaqa jariya, une aumône courante. الثاني العلم الذي ينتفع به من بعده كالعلم الذي علمه الطلبة المستعدين للعلم والعلم الذي نشره بين الناس والكتب التي صنفها في أنصاف العلوم في أصناف العلوم النافعة. Après, il dit, il y a la science qui est profitable. C'est-à-dire une science qu'une personne laisse après lui. D'accord ? Comme par exemple la science qu'il aura enseignée à ses étudiants qui, eux, continueront à la diffuser. Ou par laquelle ils pourront s'élever. Ou cette science qui est propagée au sein des gens, comme des audios, comme des livres et autres. Tout cela profite après sa mort. وهذا كل تسلسل الانتفاع بتعليمه مباشرة أو كتابة فإن أجره جار عليه فكم من علمائه هدات لهم مئة من السنين كتب مستعمرة وتلاميذه قد تسلسل خيرهم وذلك فضل الله. Et toutes ces choses qui s'enchaînent par la suite, que tu enseignes à quelqu'un, ce quelqu'un enseigne à quelqu'un, et ce quelqu'un à quelqu'un, ainsi de suite. D'accord ? Ou les kutub que tu laisses par la suite. Regardez, il dit ces exemples de savants qui ont écrit des livres depuis des années et qui sont toujours là profitables. Regardez par exemple le kitab de l'imam Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan, Kullah al-Kutub al-Sitta. D'accord ? Tous les livres que ces ulama ils ont fait, qui jusqu'à aujourd'hui on lit et qui servent à l'islam. Regardez la récompense immense qu'ils en tirent, même après leur mort. D'accord ? Combien de personnes ont laissé des choses indispensables pour l'islam et pour les musulmans. Sahih Bukhari, Sahih Muslim sont des kutub indispensables. Pas un savant ne peut devenir un savant sinon en passant par ces livres-là. Tu ne peux pas devenir un savant sans être passé par Bukhari et Muslim. C'est pas possible. Le kutub sitta les autres. C'est pas possible. Ces livres-là sont incontournables. Donc imaginez-vous les récompenses que ces savants, jusqu'à aujourd'hui, tirent de ces travaux qu'ils ont faits. يقول الثالث الولد الصالح donc l'enfant pieux ولد صلب أو ولد ابن أو بنت ذكر أو أنثى ينتفع الوالد بصلاحه ودعائه فهو في كل وقت يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة ورفع درجات وحصول المثوبات. Donc là cet enfant pieux, que ce soit un enfant direct ou même les petits enfants, que ce soit un garçon, que ce soit une fille, d'accord. Et cet enfant qui, par lequel le serviteur profite, par le biais de ses invocations en sa faveur. C'est-à-dire cet enfant pieux invoque pour lui, en tout temps, qu'il invoque pour ses parents, ou même les grands-parents, qu'ils obtiennent le pardon, qu'ils obtiennent la miséricorde, qu'ils soient élevés en degré, et qu'ils obtiennent des récompenses. وهذه Donc regardez bien ce qui revient, ce qu'on disait la dernière fois par rapport aux gens qui mettent leurs enfants à l'école. Est-ce que cela va leur donner un enfant pieux qui invoquera pour eux ? Non. Ton enfant peut être bachelier, pour avoir tous les diplômes du monde, ça ne fera pas de lui forcément un enfant pieux. Donc cet enfant-là, après ta mort, il ne servira à rien. Peut-être même qu'il sera une source de châtiment pour toi. Tu l'as mis à l'école, tu l'as mis chez ces gens-là, et après ta mort, eh ben, l'éducation qu'il aura reçue, il perdure dessus, et ça, tu seras responsable de cela. Tu seras responsable de cela. Donc cela sera contre toi. Donc quelqu'un qui aura fait en sorte que son enfant devienne un enfant pieux, d'accord, par les moyens légiférés, Même si son enfant n'est pas une personne cultivée, qui n'a pas de diplôme, cet enfant, en invoquant pour ses parents, peut être une course justement de soulagement pour lui, dans sa tombe ou autre. T'en as combien doivent se dire aujourd'hui dans leur tombe? Pauvre de moi que j'ai mis mon enfant, j'ai sorti de l'école, et que je l'ai amené faire telle et telle chose, que je l'ai amené apprendre le Coran, que je l'ai amené faire Talab al-Ilm, que je l'ai amené à en pays d'islam, que je l'ai fait faire ceci, faire cela. Dans la tombe, même le meurtrier qui a un mal, les parents seront interrogés. Tout ce qu'ils ont laissé à la maison comme moyen qui a détruit l'enfant, la télévision, les mauvaises fréquentations, la mauvaise école, les mauvais vêtements, toutes ces choses-là, l'enfant, les parents sont interrogés. Yom al-Qiyama, ton enfant a été un dépôt, et toi, qu'est-ce que tu en as fait? Comment tu l'as éduqué? Qu'est-ce que tu lui as appris? Et comment, dans quel environnement tu l'as laissé? Et là, à ce moment-là, on aura quoi comme réponse? On n'a pas beaucoup de réponses à faire. Pas beaucoup de réponses à faire. Je signe le regret. Comme il a dit l'auteur, une fois que tu es mort, c'est fini. Donc c'est dès maintenant qu'il faut préparer la chose. Ton enfant, tu veux qu'il soit un enfant pieux, qui invoque pour toi, dès maintenant, prépare-le à cela. Qu'il soit un enfant qui aime l'islam, accroché à l'islam, d'accord, et qui connaisse la valeur de ses parents, pour que par la suite, après leur mort, ils puissent invoquer pour eux, si jamais les parents venaient à mourir avant l'enfant. Non. Tayeb. Donc il dit, « وَهَدِي الْمَذْكُورَ فِي هَدَى الْحَدِيثِ هِيَ مَضْمُومْ قَوْلِهِ تَعَلَىٰ إِنَّ نَحْنُ نُحِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُوا مَا قَدَّمُوا وَأَثَارَهُمْ » Dans le sens où Allah il dit que toutes ces choses-là sont, dans le verset, dans le Coran, sont citées. Il a dit là dans le sens, il dit, c'est nous qui faisons, donnons la vie aux morts, et nous écrivons ce qu'ils ont œuvré, et ce qu'ils ont laissé derrière eux, comme trace. De toute façon, vous voyez bien que la sunna est toujours en conformité avec le Coran. Tous les hadiths, tu retrouves toujours une origine dans le Coran, que ce soit une origine directe claire ou une origine indirecte. C'est inévitable. Donc ce hadith nous apprend le bien à laisser derrière nous après notre mort. Une sadaqa jariya, une aumône courante, qui sert après la mort. Dans plein de domaines. Mais les plus profitables, celles du ilm, parce que les gens, ça leur sert pour leur religion. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, par exemple, un savant qui a laissé un livre derrière lui, des audios derrière lui, ou des conseils derrière lui qui sont toujours diffusés, regardez, comment cela peut servir jusqu'à aujourd'hui. Combien de fois on est là, on cherche des fatawas, on va sur le net, on trouve des fatawas de Cheikh Ibn Baz, de Cheikh Al-Albani, de Cheikh Mokbil, de parmi les grands savants, qui nous éclairent sur une question dont on n'a pas de réponse. Aujourd'hui, tout cela est mudawwan, est enregistré, et sur le net, on le trouve. On tape des mots-clés, on trouve tout cela. Alhamdoulilah, ça nous profite. Et ensuite, on fait partager aux autres. Et ainsi de suite. Donc imaginez-vous les récompenses que ces gens-là peuvent obtenir. Subhanallah. Et également, se rappeler toujours que cet enfant pieux qui pourra invoquer pour les parents en leur faveur après leur mort, cet enfant-là, il faut le préparer dès maintenant. D'où aussi le fait de ne pas espérer de voir nos enfants, malgré tout, dans les erreurs, dans leur jeunesse, toujours faire doa pour eux également. Nous, on commence déjà par faire doa pour nos enfants, en ce bas monde. Que Allah Azzawajal les réforme et les guide. Même si on les voit faire des bêtises, ne jamais invoquer contre eux. Car cette invocation en leur défaveur pourrait être exaucée et par la suite causer notre propre perte. Car à cause de notre doa contre notre enfant ne sera pas un enfant pieux. Et après la mort, on ne pourra profiter de son invocation pour lui, pour nous, on va dire. Donc dès maintenant, il faut prendre conscience de cela. Dans la colère, quand notre enfant nous déçoit, ou nous irrite, ou nous désobéit, ou autre, à faire attention aux doa qu'on fait. Regardez l'histoire de Jureyj, lorsque sa mère a invoqué contre lui, et malgré cela, elle a fait un doa, qui n'était pas parmi les pires. Juste, elle a fait un doa. Allahumma la tumithu hatta yara wujuh al mumisat. Oh Allah, ne le fais pas mourir tant qu'il ne verra pas le visage des fornicatrices. Alors elle peut dire, tant qu'il ne fornique pas, elle a juste dit, le visage des fornicatrices. Et Jureyj, en quoi il a désobéi à sa mère? Il faisait salat. Il faisait pas de bêtises. Il faisait salat. Mais il n'a pas répondu à sa mère. Donc que dire d'un enfant qui te désobéit dans le haram? Tu ne peux pas faire telle chose, il l'a fait quand même, par exemple. Donc quelle colère tu pourras en sentir? Une colère qui est immense. Cela pourra t'amener à faire le doa contre lui. Donc fais attention. Tu fasses un doa contre ton enfant, à une heure où Allah Azawajal te répond, et après que ton enfant, ils en soient atteints. Mais fais le doa que Allah, il le guide. Et que là, le réforme. Toujours. Naam. Taïf. Thumma, fil hadith, al-khamis wa arba'in. 45e hadith. An Asmar ibn Muzarris, an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qal, man sabaka ila ma lam yusbaq ilay muslimun fa huwa lah. dans le sens où le hadith, c'est celui qui devance à une chose, ayeb, par laquelle personne ne l'a devancé, un musulman, on va dire, cette chose, elle est pour lui. C'est que le premier qui atteint une chose, elle est pour lui. En gros, on pourra traduire comme cela. Rapporté par Abu Daoud. يدخل في هذا الحديث السابق إلى جميع المباحات التي ليست ملكا لأحد ولا اختصاص بأحد. Donc ce hadith, il montre que celui qui devance tout le monde sur une chose, alors elle lui revient, tant que ce n'est pas une chose qui est une possession, une propriété de quelqu'un, ou une chose qui est spécifique à quelqu'un. Quand des fois il y a des choses qui sont spécifiques à des gens, on ne peut leur prendre. Et encore moins des choses qui leur appartiennent, on ne peut leur prendre. Par exemple, demain tu arrives, la place de l'imam elle est vide. D'accord, l'imam, il y a un imam qui est connu. C'est lui l'imam. Tu attends qu'il arrive, tu dis pas, c'est moi le premier, je fais l'imam. Non. Il y a un imam qui est attribué, qui est attitré. Laisse-le arriver, attends un peu. Et quand même il ne viendra pas, les gens dans la mosquée se sont organisés pour qu'il y ait un remplaçant. Donc le remplaçant viendra, dit pas, c'est moi le premier, c'est moi l'imam. Là. D'accord? Par exemple. فيدخل فيه السبق إلى إحياء الأرض الموتى فمن سبق إليها باستخراج ماء أو إجراء أو بناء ملكها. Par exemple, c'est comme celui qui viendrait à faire revivre une terre aride, une terre délaissée qui n'appartient à personne. Il vient, il arrive à la fertiliser, il la cultive, d'accord, ou il arrive à faire construire une chose dessus, donc cette terre lui revient. Tant qu'elle n'appartient pas à quelqu'un auparavant, ou qu'elle n'a pas été précisée pour une forme de personne. D'accord, par exemple, dans des pays, tu viens, tu es étranger, il y a une terre qui est abandonnée, tu peux pas la prendre comme ça. Toi, t'es étranger à la base. Il y a des lois qui disent que les terres, à la base, ne sont que pour les gens du pays. Donc, on a bien dit une chose qui ne t'appartient pas, ou qui n'est pas spécifique, ou qui ne reviendra pas à des conditions. Donc, à ce moment-là, la chose, elle t'appartient par la suite. Et ça en donnant également le premier rang. Le premier rang, celui qui vient arriver en premier, pour le premier rang, ou une quelconque place dans le masjid, cette place lui revient. Et il n'est pas permis de faire ce qu'on appelle le hajj, qui est la réservation. T'as des gens, ils viennent, même pas ils font salade dans le lieu, ils viennent, ils mettent leur chaise, ils mettent un objet, et ils s'en vont. Et ils disent, ça c'est ma place. Cette place, ça ne te revient pas. Cette place, elle est pour celui qui est venu tôt et qui est resté. Et qui n'en est sorti que pour une raison, légiférer. Il est parti aux toilettes, ou il a eu un truc urgent à faire, mais il revient tout de suite. D'accord? Voilà, sans quoi la place ne t'appartient pas. Et dans la beaucoup, ils font cela. Ils réservent des choses, surtout pendant Tarawih. Ils mettent tous leurs chaises, ils sont jamais venus, et après ils viennent devant tout le monde, c'est ma place. Chalaran, cette place, ce n'est pas à eux. Après, toi, pour éviter les problèmes, laisse-en la place. D'accord? Et ceux qui endosseront la faute du Yom Al-Qiyama, parce que tu sais comment ça se passe avec les anciens, on nous dit, ça va faire des cris, ça va faire une embrouille, tu vas bientôt faire salat, donc laisse ta poitrine épanouie, rentre pas dans les fitaines, pour faire ton Tarawih. Sinon, tu vas être dans ta laouère complètement en colère, en pensant mal de un tel et de un tel, de un tel, et tu n'auras pas trop chaud. Donc laisse couler, mais sache que ce qu'il a fait lui, ce n'est pas permis. Donc toi, ne fais pas la même chose. On a souvent ce problème-là ici, par exemple, chez les Touleb, au Yémen, qui se battent pour le premier rang. Et souvent, les machines disent, cependant, là, tu te mets en guerre avec ton frère pour une chose qui est juste recommandée. Quitte à rentrer en conflit, laisse le premier rang. Même s'il est à toi, laisse-lui. Là, tu vas faire salat, serré, en colère. Tu vas perdre le hache de ta salat, peut-être, ou autre. Et là, dis, délaisse, tu vois. Délaisse. Explique-lui la place aller à toi, tu étais avant lui. Si tu veux pas accepter, vas-y, ne te mets pas en colère. Et délaisse la place. Et alors, Zawajid, il sait que c'est toi à la base qui a la récompense. Et lui, il aura la faute. D'accord? On se bat pas pour une sunna, pour une chose recommandée. Jamais. C'est pas du tout un raquel de faire cela. Donc, pareil, toi, si demain tu arrives au premier rang, tu es venu tôt, tu as fait la salate, et que tu as un besoin urgent à faire, tu reviens, la place elle est à toi normalement. Quand tu reviens, tu dis les frères, j'étais là avant, Foulen, je suis parti juste aux toilettes, je suis parti faire l'odo. Non, moi les gens n'ont pas discuté, ils disent ouais, là, reprends ta place, par exemple. Sans bagarre, sans dispute, sans lever la voix, et autres. Naam. Yatroulou Fizalika, Sabak, il est Saïd el-Bar, ou el-Bahar, ou il est el-Ma'adin, Ghel Zahir, ou Ghel Jariya. والسباق إلى أرض حطب أو حشيش أو منبوذ رهبة منه. Et donc là, ça convient également pour celui qui, le chasseur par exemple, qui a du gibier, celui qui vient en premier, qui voit le gibier en premier, d'accord, pour pouvoir le chasser, il est prioritaire. Ou ceux qui trouvent des choses, ils trouvent des choses libres, d'accord, des choses précieuses libres, ceux qui l'ont trouvé sur une terre qui est libre, alors elle lui revient. Par exemple, ils trouvent du bois. D'accord, ils trouvent du bois. En France, c'est vrai qu'il y a le chauffage direct, mais dans les pays, il y a du bois pour cuisiner, il y a du bois pour réchauffer ou quoi. Il vient quelque part, il y a du bois abandonné. Il est le premier à le trouver. Il n'appartient à personne ce bois, ni rien. Il le prend, c'est pour lui. Ou des herbes, faire pâturer son troupeau. D'accord. Le premier arrivé, c'est le premier servi. Et autres. Il dit « Wassabok il el-julus fil masajid wal-madaris wal-aswaq wa al-robot » Il n'aime pas que Zalika à la nazir Jouila, la Houtartib, ou Taïin, Yurja, il est hif, il nos, elle mourkefin, ou elle mourcine. Et pareil, comme on dit à l'exemple, là, une place dans le masjid, une place dans le masjid, une place dans une école, par exemple, ou dans le souk, tant que cela n'a pas été, organisé pour qu'il y ait, par exemple, quelqu'un qui gère le lieu, pour pas qu'il y ait de bazar, il organisait les choses en disant un tel là, un tel là, un tel là. À ce moment-là, on transgresse pas. S'il y a un gérant, on suit ce qu'il a donné. Mais maintenant, si c'est un lieu qui est libre et qui n'a pas de règles, comme on l'a dit tout à l'heure, alors le premier arrivé, le premier servi. فَمَنْ سَبَقَ إِلَيْشَيْنِ مِنَ الْمُبَاحَاتَ الَّتِي لَا مَلِكَ لَهَا فَوَا أَحَقْ بِهَا وَالْمِلْكِ فُوَا مَقْصُورَ عَلَى قَدْرَ الْمَأْخُوذِ Donc celui qui vient une chose qui devance, et cette chose n'est la propriété de personne, alors cette chose, il en est plus en droit de la récupérer, et en mesure de ce qu'il aura pris, évidemment. En mesure de ce qu'il aura pris. C'est pas il vient, Mathelen, et tout ce qui est à portée de vue, c'est à lui, il va dire par exemple. C'est en mesure de ce qu'il aura réservé. Donc voilà, en gros, ce que nous enseignent ces deux hadiths d'aujourd'hui. Naam. ونكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله أنت استغفرك وأتوب إليك